Principe, le dépassement par la droite n'est pas autorisé. Mais lorsque des files de véhicules s'organisent pour aller dans des directions différentes, il est alors possible de dépasser par la droite. C'est le cas ici, il y a deux groupes de panneaux, donc des directions bien différentes selon la voie choisie, et le marquage le confirme. Attention quand même à ce qu'un véhicule ne change pas de voie au dernier moment. Réponse A.